fleurs sauvages cachent leur âge sous leur feuillage. Voici la nuit. Le feu s'étiole de luciole en luciole. Noire est la nuit. Mort est la nuit.